Bon, c'est pas un secret, l'industrie de la mode est pas mal partie en vrille. Thank you. qui sont sans français qui nous extrêchent. Est-ce que t'as le fond d'éternel? Seul le bonheur.